Exercice 2, page 167. A. Un siècle. B. Un tir. C. Un 4. D. Leur couple. E. Aux salles. F. Son or.